Troisième partie, chapitre 22, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 22. Quelques autres avis sur les amitiés. On ne peut sans une grande communication ni faire une amitié ni l'entretenir. Et parce que cette communication est toujours ou devient bientôt une grande ouverture des cœurs, toutes les inclinations que l'on a de son fond passent insensiblement de l'un à l'autre par une mutuelle impression d'un cœur sur l'autre et par un réciproque écoulement de sentiments d'affection. Cela arrive principalement quand l'amitié est fondée sur une grande estime, car l'amitié ouvre le cœur, et l'estime y laisse entrer tous ceux qui se présentent, bons ou mauvais. Les abeilles ne cherchent que le miel sur les fleurs, mais si elles sont vénéneuses, elles en prennent aussi tout le venin. Image de l'amitié qui reçoit insensiblement le mal avec le bien. Il faut donc filoter, bien pratiquer cette parole que le Fils de Dieu disait souvent, comme la tradition nous l'apprend. Soyez de bons changeurs et de bons monnoyeurs. C'est-à-dire, ne recevez pas la mauvaise monnaie avec la bonne, ni le bas or avec le fin or. Séparez ce qui est précieux de tout ce qui est vil et méprisable. En effet, il n'y a presque personne qui n'ait quelque imperfection. Et quelle raison y a-t-il de recevoir les imperfections d'un ami avec son amitié? Il faut l'aimer, quoiqu'il soit imparfait. Mais il ne faut ni prendre ni aimer son imperfection. Puisque l'amitié étant une communication de bien et non pas de mal, l'on doit distinguer dans un ami ses bonnes qualités de ses imperfections. Comme ceux qui travaillent sur l'étage, ils séparent l'or du sable. Saint Grégoire de Nazianze rapporte que plusieurs amis de Saint Basile séfirent ses admirateurs jusqu'à l'imiter dans ses défauts naturels et extérieurs, comme dans sa lenteur à parler, dans son air rêveur et abstrait, en sa manière de marcher et même en celle de porter de la barbe. Et nous voyons des maris, des femmes, des amis prendre ainsi les imperfections les uns des autres. Les enfants, celles de leur père et mère, par une certaine imitation imperceptible que l'estime ou la complaisance inspire et conduit. Or, chacun a bien assez de ses mauvaises inclinations, sans se charger de celles des autres. Et non seulement l'amitié n'exige rien de semblable, mais au contraire, elle veut que nous nous aidions réciproquement à nous défaire de nos défauts. L'on doit assurément supporter avec douceur les imperfections de son ami. Mais il ne faut pas les entretenir par flatterie, bien moins les laisser passer jusqu'à nous par complaisance. Je ne parle que des imperfections, car à l'égard des péchés, l'on ne doit pas même les supporter dans un ami. C'est une amitié aux faibles, aux méchants, que de le voir périr sans le secourir, et que de n'oser lui donner un avis un peu sensible pour le sauver. La véritable amitié ne peut subsister dans le péché, parce qu'il la ruine entièrement, comme l'on dit que la salamandre était le feu. Si c'est un péché passager, l'amitié le chasse aussitôt par un sage conseil. Mais si c'est un péché habituel, il est tel le métier qui ne peut subsister que sur la vraie vertu. Il fut donc encore beaucoup moins péché par raison d'amitié. Puisque notre ami devient notre ennemi quand il nous porte au péché, et qu'il mérite de perdre notre amitié quand il veut perdre notre âme. Bien plus, le marque assuré d'une fausse amitié est son attachement à une personne vicieuse. Et quelque vice que ce soit, notre amitié est vicieuse, car n'étant pas établie sur une vraie vertu, elle ne peut avoir d'autre fondement que le plaisir sensuel, ou quelqu'une de ces imperfections vaines et frivoles dont je vous ai parlé. La société des marchands n'a que l'apparence de l'amitié, d'autant que ce n'est pas l'amour des personnes, mais l'amour de gain qui en fait le nœud. Enfin, voici deux maximes toutes divines que j'appelle les deux colonnes de la vie chrétienne. L'une est de sage. Qui aura la crainte de Dieu aura aussi une bonne amitié. L'autre est de Saint Jacques. L'amitié de ce monde est l'ennemi de Dieu. Fin de chapitre 22, troisième partie.